La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. C'est le scientifique français de l'année. Il a reçu en décembre dernier le prix Nobel de physique. Gérard Mourou est cet après-midi l'invité exceptionnel de la Tête au Carré. Professeur émérite à l'école polytechnique, il partage cette récompense avec la Canadienne Donna Strickland et pour avoir conjointement élaboré une méthode de génération d'impulsions optiques ultra courtes de haute intensité. On va tout vous expliquer dans un instant. À quoi ressemble sa vie depuis son Nobel? Quelles sont ses recherches qui l'ont valu ce prix? Et de quelle façon ont-elles déjà changé nos vies? C'est ce qu'on va donc découvrir avec Gérard Mourou. Il répondra également à vos questions et vos messages. Vous pouvez nous retrouver dès maintenant sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Héloïse Rambert, bonjour. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui à la une, Héloïse, on va faire un petit retour en enfance puisqu'on va voir ce que la science a à dire des bienfaits du bercement sur notre sommeil, c'est ça? Oui Mathieu, parce qu'il n'y a pas que les enfants qui ont intérêt à se faire bercer, les adultes aussi dorment plus vite et mieux s'ils sont doucement balancés. Et c'est la science qui le dit comme on le verra. Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons la chronique de santé polémique du docteur Dupagne consacrée aujourd'hui aux fake news médicales. Hélène Bizio réalise cette émission préparée par Lucie Sarfati. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Bonjour Gérard Mourou. Bonjour. Merci d'être avec nous, très heureux de vous accueillir. Vous avez donc reçu cette année le prix Nobel de physique. Absolument. Avec Donna Strickland. On va donc parler de vos travaux dans ce domaine des lasers. Qu'est-ce que vous faisiez d'ailleurs au moment où le téléphone a sonné de l'Académie Nobel? Écoutez, ce que je faisais, je m'apprêtais à aller à la piscine. Bon. Comme j'y vais tous les jours, je suis un nageur, j'adore ça. Vous aviez piscine donc? J'avais piscine et je suis passé devant ma secrétaire, elle me dit, oh, j'ai un coup de téléphone là de l'étranger, etc. Et puis je la voyais qui engageait la conversation en anglais. Donc je me suis arrêté, je voyais que c'était l'heure. Je dis oui, effectivement, c'était près de midi. Je sais que les annonces du prix Nobel interviennent le mardi en physique, du mois, etc., vers les midis. Oui. Donc là, j'ai fait une petite pause et puis ma secrétaire, oui. Vous avez rangé votre maillot de bain? J'ai gardé le sac de sport et puis j'avais le téléphone d'une main, mon sac de sport de l'autre main. Et voilà, quoi, c'était. Mais alors, j'avoue que c'est comme si vous recevez une tonne de briques. Ça fait cet effet-là? Ben, à peu près, oui, c'est ça. Ah oui, donc ça fait mal. C'est entre le flottement, là, on a l'impression de flotter un petit peu dans l'air et puis après, c'est. C'est vraiment éprouvant, mais c'est agréable à entendre. Hein, donc vous n'étiez pas préparé du tout alors à l'annonce? Non, enfin pas préparé. Parce que des prix, vous en avez reçu beaucoup, mais enfin quand tout même. Le monde, oui bien sûr. Mais enfin à partir d'un certain niveau, on est dans la catégorie des nobelisables. Oui, c'est vrai. Voilà. Dans le hein. Mais bon, être dans la catégorie des nobelisables et puis être nobelisé. Il y a une grande différence. C'est vrai. Et bon, et personnellement, j'ai toujours fait attention de pas quand même être pris là-dedans, quoi. Je veux dire, c'est parce que chaque année, on attend ça. Et puis après, il y a rien qui arrive. Et donc, ça, il y a de quoi devenir fou, j'imagine, hein. Ça pourrait le faire, oui, effectivement. Donc la question qui vous intéresse, c'est de savoir si vous pouvez toujours aller à la piscine maintenant que vous êtes Nobel. J'y vais. Absolument. Pas comme exactement je voudrais, parce que des fois il y a des émissions comme la tête au carré, peux pas être là et à la piscine non, à la fois. Mais il y a de très bonnes piscines pas loin aussi. C'est vrai oui. C'est une 50 mètres ou... On pourra vous donner des adresses, il y a des choses très très bien. Bon, à quoi ressemble votre vie là maintenant, donc depuis l'annonce du Nobel? C'est plutôt agité, je vous dirais. Hein, c'est agité parce que bon, j'étais enseveli de mail. Hein. Dès que l'annonce est tombée, il y avait à peu près, je sais pas, dans la journée, on a reçu 1000 mails, hein, comme ça. Et bon, il faut trier tout ça, ma secrétaire a beaucoup de travail. Comment s'appelle-t-elle? Catherine. Et bon, on peut la saluer. Voilà. Catherine, je sais pas si elle... Absolument. Et elle a un travail absolument incroyable à faire parce que pour trier tout ça, c'est beaucoup. Parce qu'il y a des fois, c'est des messages qui sont très importants. Enfin, oui. C'est pour les invitations, etc. Énormément d'invitations dans le monde entier. Hein. Mm-hmm. Énormément. J'ai un calendrier pratiquement plein pour ces 2 années. Quoi. Oui. Oui. Et vous avez le temps de faire de la recherche encore dans tout ça? Ça devient très très compliqué finalement. C'est-à-dire, la recherche, on la fait toujours. Hein. Je la fais en vous écoutant, dans la tête, en vous regardant. Hein. Je la fais en prenant un café, tout ça. Parce que c'est pas toujours au moment où on est au bureau qu'on fait de la recherche. C'est ça. Donc vous êtes capable de répondre à une interview en direct et en même temps de faire de la recherche. Peut-être pas tout à fait, n'essayez pas. Le cerveau de Gérard Mourou est très particulier. Bon, en tout cas, on va se retrouver dans un instant parce qu'on va justement découvrir un petit peu le sujet de vos travaux hein, dans domaine tout à fait particulier des lasers, qui nous concerne déjà d'ailleurs au quotidien sur un certain nombre d'applications. Mm-hmm. On va d'abord partir du fondamental pour aller jusqu'aux applications. Tout et on en parle avec les auditeurs qui nous rejoignent. Je suis sûr qu'ils ont plein de questions à vous poser. Ah donc on en profite puisque vous êtes en direct. Franceinter.fr pour interroger Gérard Mourou. On a un petit son de balancement qui doit partir. Mais on l'entend d'ailleurs. On l'entend un peu. Ce balancement qui grince, un son doux qui incite au repos à l'heure de la sieste, Héloïse, pour parler aujourd'hui donc à la une de la science des vertus du bercement. Oui Mathieu, personnellement, rien que le bruit me donne un petit peu envie de dormir, mais ce ne sont pas les effets du bruit du bercement qui nous intéressent aujourd'hui, mais ceux de son mouvement. Car selon une étude réalisée par un groupe de chercheurs de Genève, il semblerait que de légers balancements pendant la nuit fassent dormir les adultes comme des bébés. Leurs résultats ont été publiés dans la revue Current Biology, et nous sommes avec Laurence Bayer qui a mené l'étude au téléphone depuis Genève. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse au département des neurosciences fondamentales de la faculté de médecine de Genève et au centre de médecine du sommeil des hôpitaux universitaires de Genève. Alors dites-moi, ça a dû être assez agréable de participer à votre étude. Vous les avez bercés vous-même, les volontaires? Oui, alors tout à fait, je les ai bercés moi-même. Mais alors évidemment, j'ai pas été à leur chevet pendant toute la nuit à les bercer. Mais on les a mis sur un lit motorisé qui permettait un balancement lent, répété, à 0,25 Hz, c'est-à-dire une fois toutes les 4 secondes. Oui, on a vu la photo d'ailleurs sur la publication, c'est vraiment du matériel fait pour. Hein. C'est un prototype qui a été exprès réalisé à l'Université de Genève par les techniciens, effectivement, pour cette étude. Alors pourquoi vous intéressez au bercement? Qu'est-ce que vous cherchiez à savoir avec ce travail? En fait, l'idée est partie d'une discussion justement entre chercheurs et on s'est dit qu'intuitivement, on berçait les enfants pour les endormir, on secouait les gens pour les réveiller et puis scientifiquement, on s'est rendu compte que dans la littérature, il y avait très très peu de publications sur le sujet. Donc on s'est dit, on va essayer. Donc on a essayé en 2011 en fait sur une sieste et puis on s'est plutôt intéressé en fait à la transition veille-sommeil pour la sieste. Donc est-ce que le bercement va faire quelque chose sur cette transition veille-sommeil? Eh bien oui, les résultats étaient qu'on s'endormait plus vite si on était bercé sur ce fameux lit. Et donc là, vous êtes passé au niveau supérieur en faisant dormir toute une nuit des participants. Tout à fait. Donc l'idée, c'était, comme ça donnait des résultats prometteurs, on s'est dit, on va continuer. Et puis ce qui est intéressant, c'est de voir quel était l'impact de ce bercement en fait, sur une nuit entière, sur les différents stades du sommeil, qu'est-ce qui pouvait y arriver. Alors comment vous avez procédé pour étudier ces effets? Alors, pour étudier les effets du bercement, on a pris une vingtaine de jeunes volontaires qui étaient bons dormeurs, en l'occurrence, pour avoir une population homogène. Et on les a fait dormir avec des électrodes sur la tête. On a enregistré ce qu'on appelle l'électroencéphalogramme, donc l'activité électrique du cerveau qui nous permet de définir dans quel état de vigilance vous êtes. Si vous êtes réveillé, en sommeil lent, en sommeil profond, en sommeil léger, etc. Et puis on les a enregistrés pendant une nuit sur le lit qui ne bougeait pas et une nuit sur le lit qui était en mouvement. Et du coup, on a pu comparer les deux enregistrements. Alors, quels sont les résultats? On a envie de savoir. Alors, les résultats, première chose, on a confirmé ce qu'on avait vu pour la sieste, c'est que les gens s'endorment plus vite lorsqu'ils sont bercés. Ah. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est qu'il y avait moins de micro-éveils. Donc, ces micro-éveils, ce sont des petits éveils que vous ne percevez pas, en fait, pendant la nuit, parce qu'ils sont tellement petits que ça ne vous dérange pas. Mais en fait, ça perturbe quand même votre sommeil. Votre sommeil est plus fragmenté avec ces micro-éveils. Donc, le bercement les diminue. Et puis, surtout, en fait, il y a une augmentation de ce qu'on appelle le sommeil lent profond, qui est dit le sommeil réparateur. puis ce sommeil lent profond, en fait, il est formé d'ondes spécifiques qui sont des ondes lentes générées dans une structure particulière sous-corticale qui s'appelle le thalamus. Et ce thalamus va envoyer un petit peu partout dans le cerveau, en l'occurrence dans le cortex, ces ondes lentes et vous mettre, en fait, dans cet état de sommeil profond. Et alors, vous avez aussi vu des effets sur la mémoire, c'est ça ? Oui, alors c'était la deuxième chose, parce que dans la littérature, ces ondes lentes, donc ce sommeil profond, est associé aux propriétés mnésiques, c'est-à-dire à la capacité à chacun d'entre nous de retenir l'information. Et du coup, on a décidé de faire apprendre des paires de mots à nos sujets le soir avant d'aller se coucher. Et le lendemain matin, ils devaient répéter ces paires de mots. Et ce qu'on a remarqué, effectivement, c'est que lorsqu'ils étaient balancés, ils retenaient mieux les paires de mots que lorsqu'ils n'étaient pas balancés. Ce que vous nous dites, ce que vous nous dites, c'est qu'il faudrait investir dans un lit comme vous avez utilisé à Genève. Ça a l'air alléchant. Mais alors, ça marche comment quand on est deux dans le lit? Parce que c'est plus compliqué d'être bercé à deux, non? Oui, alors il faut être ensemble bercé au même rythme. Mais généralement, nous, ce qu'on a montré, c'est sur un rythme lent de une fois toutes les 4 secondes. Et voilà, quoi, chacun se synchronise. On a d'ailleurs montré que ces ondes se synchronisaient avec le rythme qui était imposé. Donc voilà, lorsque vous êtes deux, je pense que les deux vont avoir un rythme qui synchronise. Et très rapidement, on sait comment ça s'explique physiologiquement, ces bons effets sur le corps? Alors, comment ça s'explique? Ça, c'est grâce à nos collègues lausannois avec qui on a collaboré, en fait, qui travaillent sur un modèle animal, et en l'occurrence, c'est la souris. Et chez la souris, ils ont pu montrer que chez des souris qui étaient déficientes en système vestibulaire, alors le système vestibulaire, c'est un petit système sensoriel placé donc dans l'oreille interne, qui va détecter, en fait, les mouvements de notre corps, qui va nous donner la perception de notre corps dans l'espace, etc. Et quand ces souris sont lésées pour ce système vestibulaire, eh bien, elles ne reçoivent plus l'effet bénéfique du balancement. Donc, première brique, effectivement, cet effet bénéfique du balancement passe bien par le système vestibulaire. Maintenant, il y a plein d'autres études à faire pour savoir qu'est-ce qui se passe exactement entre ce système vestibulaire et le cortex. Donc, les détails de la circuiterie et tout à envisager et à étudier. Gérard Moreau, est-ce que vous avez été bien bercé pendant votre enfance? Je me souviens pas très bien, mais je pense que oui. Oui, ah oui, ma c'est mère vrai. Était très, très douce. Et très, vous êtes un bon dormeur? Je dors assez bien, oui. Bon, bah écoutez, en tout cas, voilà une étude tout à fait intéressante qui nous vient de Suisse. Et j'aurais voulu poser une question. Ah ben, allez-y, alors. Laurence Bayer. Oui, vous avez parlé donc de... Il y a une chose que vous n'avez pas entendu, c'est l'amplitude du sommeil. Par contre, de combien, si vous avez une estimation de la qualité du sommeil, est-ce que vous avez une façon de l'estimer? Sur le gain de sommeil? Non, la qualité. Lorsque l'on, vraiment, on dort, la qualité. La qualité du sommeil, en fait, il y a différentes phases dans le sommeil. Il y a ce qu'on appelle le sommeil lent, le sommeil paradoxal, le sommeil léger. Oui. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que le sommeil lent profond, lui, était augmenté à peu près de 20% en fait chez les gens qui dorment. Donc c'est ce qui est assez énorme. Et c'est vraiment ce sommeil-là qui est considéré comme le sommeil profond, dit réparateur, associé aux propriétés mnésiques. Donc c'est vraiment garant d'un bon sommeil lorsque vous faites du sommeil profond. Laurence Bayer, pour terminer, on a reçu deux messages d'auditeurs. Il y a d'abord Pauline qui nous dit, vous venez de dire dormir comme un bébé. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un bébé, mais un bébé, ça dort une heure, ça crie deux heures, ça dort une heure, ça pleure deux heures. Ça, c'est vrai. Et on a... Oui, oui, effectivement, le sommeil chez l'enfant est totalement différent du sommeil chez l'adulte et il dort fragmenté, on va dire, un petit peu sur 24 heures. Il n'est pas du tout rythmé comme l'adulte qui peut être rythmé. Donc, il a des périodes de veille qui est pendant la journée, généralement, et par le sommeil la nuit. Et puis, on a Isabelle qui nous écrit, aux vacances de la Toussaint, on a eu l'occasion de passer 3 nuits sur un bateau sur l'île de Malte. Et moi qui ai des gros problèmes de sommeil, j'ai super bien dormi et j'ai tout de suite pensé que c'était grâce au bercement. Ben voilà, il faut dormir sur la mer. J'ai eu aussi des mails de personnes qui me... donne cette même anecdote, en fait. Merci Laurence Bayer, c'était très intéressant pour cette étude. Vous qui êtes chercheuse au département de neurosciences fondamentales de la faculté de médecine de l'Université de Genève. Merci Louise. À demain. À demain. Amélie Souza, Véronique Sanson. La tête au carré. The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2018 Nobel Prize in Physics pour moitié à Arthur Ashkin pour la pince optique et son application au système biologique, et pour l'autre moitié, conjointement à Gérard Mourou et Donna Strickland, pour leur méthode de génération d'impulsions optiques intenses ultra courtes. Voilà, alors nous, dans le bureau de la tête au carré, pendant que ça passait en octobre dernier, Gérard Mourou, évidemment, on est toujours à l'affût de savoir si un Français va remporter le prix Nobel. On est complètement énervé, hein. C'est le moment de l'année, vraiment, on est aux aguets. Et quand on a entendu votre nom, ben, on a fait comme tous les médias français, c'est qu'on on a tenté de vous joindre. Absolument, voilà. Et c'était impossible. C'était compliqué, c'était compliqué. Et Catherine, votre secrétaire, avait visiblement beaucoup, beaucoup de travail. Absolument. Et vous, vous aviez reçu votre coup de fil juste avant, puisque vous êtes donc physicien, professeur émérite à l'École Polytechnique et prix Nobel de physique cette année pour vos travaux sur les lasers. On le disait tout à l'heure, donc votre vie a complètement changé là depuis l'annonce du Nobel. Oui. Beaucoup de voyages, évidemment, beaucoup de sollicitations. Et votre voix aussi compte maintenant. C'est-à-dire que quand on est prix Nobel, on est interrogé à peu près sur tout. Absolument. Hein. Est-ce que les gens pensent qu'on marche sur l'eau? Oui, c'est ça, donc, exactement. Et que vous avez un avis sur tout. Absolument. Est-ce que vous êtes très prudent par rapport à ça? Au début, je l'étais pas trop, mais maintenant je le suis très. C'est-à-dire, vous êtes senti piégé parfois dans certaines questions qu'on peut vous poser? Un petit peu, parce que vous êtes quand même retors, hein, la presse. Un peu pitbull, là. Et nous, on est innocents, quoi. Quand on est scientifique, on est innocent. On pose une question, on essaie d'y répondre. C'est ça. C'est pas toujours ce qu'il faut faire. Ça, c'est le danger, finalement, c'est d'aller au-delà de son domaine d'expertise aussi. Il y a un petit peu, un peu de ça, oui. Mais, parce qu'on est, on est envahi de sollicitations, par exemple, pour supporter telle cause, telle chose. Voilà. Ouais. Donc il faut trancher. Et des fois, on n'a pas trop le temps de réfléchir. Hein. Et les gens nous poussent, etc. On est sous pression un petit peu. Hein. Ouais. Ça, c'est embêtant quand même de ne pas avoir le temps de réfléchir, pour la recherche, par exemple. Oui, la recherche, hein, on passe... disons, là, quand je réfléchis pour la recherche, c'est différent quand je réfléchis pour autre chose. Si une institution pour le don du sang me téléphone, etc., c'est pas la même chose quand même. Oui. C'est différent, c'est pas le même mode. Ouais. Et quand vous nagez, vous pensez à vos travaux, ben, à ce que vous pourriez faire, c'est vraiment pour vous détendre? Parce que j'ai des difficultés pour compter les laps. Ah oui. Et après, je me dis, oui, c'est la nappe combien, ça? 55 ou 56? Donc, vous restez concentré sur ce que vous de rester concentré. Dans ces cas-là. On va faire connaissance avec vous également, Gérard Mourou. C'est l'occasion de vous recevoir cet après-midi, vous qui êtes un enfant des montagnes, c'est absolument, ça? Absolument. Hein, vous êtes né à Albertville. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a emmené sur les chemins de la physique, en fait? Vous aviez des scientifiques dans votre famille? Oui, non, j'ai pas de scientifiques, mais mon père était ingénieur à l'EDF. Ouais. Donc, il avait un bon background, quoi. Et donc c'est quelque chose, j'ai vécu un petit peu le vocabulaire, tout ce qui était électrique, ça m'était familier, mais c'était important. Parce que lorsqu'après on fait de la physique, l'électromagnétisme, c'est fondamental. Hein. Oui, ça m'a familiarisé avec la physique un petit peu. C'est en 67 que vous passez votre thèse de physique. Non, en 67, je monte à Paris. Oui. Pour faire ce qu'on appelait à l'époque un diplôme d'études approfondies. Voilà. Et la thèse? La thèse, elle est venue. Alors, il y avait deux thèses à l'époque. Hein. Il y avait une thèse de troisième cycle et après, il y avait une thèse d'État. Alors là, celle-ci, je l'ai passée en 73. Et c'était quoi le thème de votre thèse? D'État à l'époque, c'était l'étude de la cinétique des colorants. Et le rapport avec les lasers? Eh bien, il y en avait un, bien sûr. Ouais. C'était que on étudiait la cinétique des colorants, c'est-à-dire la façon dont les colorants, la durée d'émission, par exemple, ou la façon dont les molécules bougent, etc. Et ça se passe dans des temps qui sont extrêmement rapides. Et justement, c'est ma spécialité, c'est bien sûr les lasers. Ultra rapide. Ouais. Alors, quand j'ai commencé ma thèse en 67, ils n'étaient pas aussi rapides que maintenant, hein, parce qu'on était ce qu'on appelle la, nanoseconde, picoseconde, 10 moins 12, c'était quand même un millième de milliardième de seconde. Mais ouais. C'est rien maintenant, mais maintenant, c'est un, c'est un millionième de milliardième de seconde. Bon, ouais. C'était les lasers escargots, un petit peu, alors, par rapport à aujourd'hui. Un petit peu, oui, ouais. Un petit peu, oui, des lasers fatigués. Ouais. Peu, ouais. Et vous n'avez eu de cesse, justement, que de les accélérer, finalement. Absolument. C'était ça, votre absolument. Quête. Hein. C'était ma passion. Ouais. Au point de créer un groupe donc de sciences ultra rapides, oui, ça oui, c'était sûr, le oui. tout début. À différents endroits, hein, parce que au Canada, et puis après, bon, à l'université de Rochester, là où je suis resté plus d'une dizaine d'années, c'est là où justement j'ai fait les travaux sur le CPA, hein, oui. avec Donna Strickland, qui était mon étudiante à l'époque. On va en parler dans un instant, évidemment. Voilà. Ouais, ouais. Et après, à l'université du Michigan, bien sûr, 17 ans, fantastique. Oui. Ouais. Et vous avez passé beaucoup de temps aux États-Unis. Qu'est-ce qui vous a fait partir là? Oui. Qu'est-ce qui vous a fait partir là-bas au tout début, d'ailleurs? Je sais pas. Enfin, c'était. Non, parce que je pense j'avais le sentiment quand même qu'il y en avait plus de peut-être plus de liberté, plus de possibilités. Hein. Et voilà. Et puis. L'aventure aussi. Hein. Vous n'auriez pas pu faire ce que vous avez fait en France, probablement. Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que c'est difficile à dire, ça. Mmh. C'est deux systèmes qui sont complètement différents, hein, le système américain et le système français. Parce que les études supérieures aux États-Unis se font dans des universités. Il y a une centaine d'universités majeures, je dirais. Hein, ouais. Et elles sont toutes indépendantes, complètement indépendantes. Donc, elles rivalisent les unes avec les autres, etc. Donc, il y a une sorte de stimulation aussi, finalement. Il y a énormément de stimulation. Il y a une compétition, mais il y a une stimulation. Et bien sûr, ça produit une agitation. On peut préférer le mode plus collectif qui existe en France, avec le CNRS, etc. Donc, c'est deux types de recherches qui sont aux antipodes les unes des autres et qui ont leur pour et le contre, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y en a quand même une qui favorise plus la créativité, la liberté du chercheur? On a quand même le sentiment, en vous entendant, qu'aux États-Unis, l'attitude peut-être plus importante. Ben, maintenant, moi, j'ai passé 30 ans aux États-Unis, et je suis plus habitué, disons, à ce système-là. Ouais. Voilà. Bon, mais je ne veux pas critiquer le système français, hein, qui a donné de bons résultats. Il y avait Fert, Quintanilli, Serge Haroche, ouais. etc. quand même. D'autres prix Nobel, oui, absolument. Effectivement. Le laser, finalement, dans quel contexte c'est né au tout départ? Si on prend juste la racine scientifique, justement, du laser, il faut remonter jusqu'où? C'est 1960. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? En 1960... Il n'y avait rien avant? Oui, il y avait le Maser. Ouais, qu'est-ce que c'est que le Maser? Le Maser, c'est en fait, vous savez que l'électromagnétisme, disons, s'étend sur un large spectre, ouais. Qui va d'ondes extrêmement longues, avec des longueurs d'onde de kilomètres, etc., jusqu'à dans les rayons gamma où les longueurs d'onde sont mesurées en angstrom, quoi. Donc, il y a une vaste variété. Donc, le concept du maser et laser sont à peu près le même. Sauf que le maser est beaucoup plus facile à réaliser que le laser. Voilà. Donc, le premier était le maser. Ouais. Le maser, et après, le laser est venu après. Et le principe du laser, alors, c'est quoi, finalement, pour bon, mais le ceux principe qui ne connaîtraient pas du tout? Le principe du laser, si vous voulez... il est basé sur ce qu'on appelle l'émission stimulée. Ouais. C'est-à-dire que mais qu'est-ce qu'on stimule? Au lieu d'absorber, qu'est-ce qu'on stimule finalement? On stimule d'autres atomes ou d'autres molécules qui vont émettre en phase de l'onde qui arrive. C'est moi, j'ai toujours cette façon de comparer la lumière cohérente avec la lumière incohérente. Alors, la lumière cohérente, c'est le laser. Et ouais. La lumière incohérente, c'est la lumière de tous les jours. À une foule qui marche, qui est composée, bien sûr, de milliers de personnes, peut-être. Hein, chacune est différente. Chacune est... Il y a bien sûr de sexes différents, etc., habillés différemment, etc., petits, grands, etc. Dans le cas du laser, C'est une armée qui défile sur les Champs-Élysées. Ah oui, voilà. Carrément. Tous les soldats sont absolument identiques. Ouais. Et c'est cet ordre qui fait que ça fonctionne. Absolument. Ouais. C'est ça, ça donne une propriété à la lumière qui n'existait pas avant. Quoi. Ouais. Gérard Moreau, vous êtes notre invité. Il y a beaucoup de questions pour vous qui arrivent sur franceinter.fr. Eh oui, oh là là, mais je vous les pose dans un instant. Vous avez 3 minutes pour vous reposer. Je ne sais plus, c'était Olivier Marguerite. On peut espérer aussi que ce rayon de la mort, comme certains l'ont surnommé, avec un peu trop de pessimisme, oui, certainement, parce que ce rayon est capable de tuer à distance, aura des applications bénéfiques en biologie et en médecine. La tête au carré. Sur France Inter. Gérard Moreau, prix Nobel de physique 2018 avec nous. On entendait à l'instant une archive sonore de 1960. Le laser était présenté comme le rayon de la mort. Oui. C'est vrai? C'est ça. Ça faisait peur. Hein. C'est une façon pessimiste. Ouais. Moi, bon, j'ai commencé à faire de la recherche en 67, c'est-à-dire 7 ans après le laser. Oui, hein. Oui, oui. Mais j'ai jamais pensé au rayon de la mort. C'est plutôt une. Pour moi, c'était un jouet extraordinaire. Oui. C'est un joueur extraordinaire. Alors, je savais qu'il y avait bien sûr qu'il y avait des militaires qui avaient bien sûr essayé d'utiliser ça pour les objectifs militaires, mais autrement, non. Moi, j'ai toujours vu le laser comme quelque chose d'extrêmement pacifique et unificateur, en fait. Mais il y a toujours les deux faces finalement aussi dans les grandes découvertes. Bien sûr. Tout dépend de la façon dont on s'en sert. Hein. Bien sûr. Et ça, finalement, le chercheur fondamental n'y peut rien. Absolument, absolument. On peut quand même intervenir un petit peu, mais bien sûr, non, on est quand il y a, non, on peut pas faire grand chose. Alors, on le disait tout à l'heure, il y a eu cette course justement au laser hein, pour tenter d'amplifier justement les fonctions, d'accélérer tout ça pour que ça aille plus vite, pour que les applications soient encore plus précises. Et vous, ce qui vous a valu ce prix Nobel, c'est donc cette technique CPA. Alors évidemment, depuis que vous avez votre Nobel, vous avez dû l'expliquer je ne sais combien de fois, Gérard Moreau. Mais maintenant, vous êtes au point, vous êtes parfait pour le faire au micro de la tête au carré. Oui, mais non, j'apprends toujours. Hein, j'apprends c'est toujours, pour ça qu'on a attendu si longtemps pour vous inviter, c'est parce que maintenant, vous êtes au point. Alors, quand on vous demande ce qu'est cette technique, vous l'expliquez comment? Oui, mais écoutez, c'est ce que l'on fait. C'est en fait, on comprime une onde. Oui. Hein. C'est-à-dire que nous avons un laser qui émet une onde qui est très longue, hein, qui peut avoir ou très longue ou de façon équivalente, je peux dire, qui dure longtemps. Hein. Disons, supposez que vous ayez une onde qui dure une milliseconde. Ah oui, ça c'est longtemps. Pour nous, ça c'est très très long. Oui, c'est ça. Tout est relatif, hein, quoi. Voilà. Exactement. Et puis alors, ce que vous allez faire, donc c'est la comprimer d'un facteur 1 million, quelque chose comme ça. Vous la comprimez, hein, c'est-à-dire que au lieu d'être longue de, parce que la vitesse de la lumière c'est 300 000 km par seconde. donc on comprime cette onde d'une façon énorme et donc on amplifie l'amplitude, quoi. Ouais. Donc cette compression, ça produit ça finalement. C'est ça. Ouais. C'est parce que pour comprimer, on appelle c'est pour ça le chirp. Ouais. Chirp pulse amplification. Chirp en anglais, ça veut dire gazouillis. Ah, hein. C'est joli ça. C'est joli, hein. Mm-hmm. Oui, on est poétique. On est... Mais oui. Et c'est parce que lorsqu'un gazouillis, c'est que l'oiseau varie la fréquence. Hein, il peut commencer par les aigus, puis après aller vers les graves, ou vice-versa. Et ça, c'est un chirp. Mm-hmm. Okay, c'est-à-dire la fréquence varie. Ben, on fait la même chose avec le laser. On produit des ondes qui gazouillent, des ondes qui sont chirped. Ouais. Hein, et qui, dont la fréquence sur cette milliseconde varie. Okay, donc la fréquence peut aller vers les courtes fréquences jusqu'aux longues fréquences. Alors bien sûr, ce sont des fréquences optiques. Hein. Ouais. Et après, ben, on va dans un système qu'on appelle dispersif, qui lui va mettre tout le monde ensemble. Que les ondes, les impulsions, enfin, le chirp, la partie qui était aiguë, va se retrouver la partie grave, parce que on va se débrouiller à ce qu'elles aillent plus vite que la partie grave. Alors, ça vous a pris combien de temps pour faire gazouiller vos ondes, Gérard Monroux ? Ah non, ça c'était en fait, même le laser le fait naturellement des fois. Voilà, c'était déjà acquis. Voilà. Il fallait penser justement, ben, l'utiliser pour l'amplification. Il faut développer aussi les systèmes justement qui permettent aux ondes aiguës de retrouver les ondes graves ensemble. Donc, voilà. Donc, mais c'est un bond gigantesque, hein, en puissance. Hein. C'est ça. C'est vraiment là aussi, absolument, toujours dans cette quête d'accélération, hein, du processus. Et alors, avec Donna Strickland, vous avez travaillé comment, alors, exactement? Mais Donna était mon étudiante. Ouais. Hein, mais elle est pas un beau jour. Elle est comme chaque étudiante. Elle cherche un patron de thèse. Ouais. Hein, donc, elle est passée dans mon bureau. Et puis, j'ai dit, elle cherche un sujet de thèse. J'ai dit, je vais vous montrer mon laboratoire, quoi, comme je fais, en fait, à tous les étudiants, c'est classique. Hein. Montre le laboratoire. Et ce laboratoire, à l'époque, on travaillait sur des lasers qui avaient beaucoup de couleurs. Ces fameux lasers à colorant. Ah, c'est ça, pour revenir à ce que vous disiez. Alors, beaucoup de couleurs. Ouais. Hein. C'est comme un arbre de Noël. C'était psychédélique, quoi. Le labo, c'était où? Et Donna, elle dit, c'est là que je veux travailler. C'est ça. Voilà. Après, bon, c'est très, très, très bien entendu, hein, parce que c'est fascinant. Mais j'étais fasciné, hein, par l'annonce du prix Nobel. Hein, quel est le prix Nobel qu'on la donne à une femme? Et Donna Strickland, mon ancienne étudiante, qui est devenue la troisième femme au monde. Bah, c'est triste, ça, finalement, vous ne trouvez pas, donc que ce soit seulement la troisième femme. Ah, oui, mais enfin, ça, j'y peux rien, moi. Moi, j'ai fait mon travail. Moi, j'ai fait mon travail. Non, mais ce qui est fou, c'est qu'on s'en étonne encore aujourd'hui, finalement. Hein. Ah, ben oui. Il y a si peu de femmes qui ont eu le prix Nobel de physique. Oui, mais il faut voir, c'est que la physique, elle n'attire pas. Les gens voient la physique comme quelque chose de triste. Et moi, je me rebelle contre ça. Entre les gazouillis et les couleurs, on aime bien ce que vous nous expliquez. Oui, c'est pas mal. Absolument. C'est pas mal. Vous, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, quand vous pensez à la physique, vous pensez à quelque chose d'attirant ou quelque chose de repoussant? Mais ça dépend des gens qui nous en parlent, en fait, Gérard Monroux. Ouais. Ça repose là-dessus, finalement. Il peut y avoir un malentendu parce que le prof n'est pas très amusant. Ou alors, à l'inverse, quelqu'un qui vous embarque, ça peut tout changer. Hein. Absolument. Donc c'est... Mais il se trouve que ça attire plutôt les garçons que les filles. Ouais. Les filles seront plus attirées vers les disciplines médicales, les choses comme ça. Voilà. Donc, elle a largement contribué aussi avec vous à trouver ce gain d'intensité, hein, c'est absolument, ça, du laser. Elle l'a démontré, oui. Ouais, c'est ça. Elle l'a démontré. Moi, j'ai, enfin, disons, comme j'ai fait mon boulot, je propose une... Mon boulot, c'est de trouver des sujets de thèse pour les étudiants. Ouais. Et il faut trouver les bons sujets. Et il faut trouver les bons sujets. Ben non, c'était curieux parce que les bons sujets, les bonnes personnes. Lorsque je lui ai proposé ce sujet, elle me dit c'est pas trop un sujet de thèse, ça. Elle avait raison. C'est un sujet de Nobel. Ouais, direct. Donc vous lui avez donné elle un sujet de Nobel. Directement. Il y en a qu'un qui a fait ça, je crois que c'est Louis de Broglie. Hein, qui est passé vraiment directement de... C'était son premier papier. Et puis, moi j'en ai plusieurs centaines, hein, je veux dire, un chercheur de... Mais elle, c'était son premier papier. Bingo. Bang. Ouais, prix Nobel. Hein. Prix Nobel. Au point qu'elle n'avait même pas de page Wikipédia au moment de l'annonce du Nobel. Oui, hein. Oui. Non mais c'est quand même incroyable. Hein. Oui. Mais bon, ça dépend des gens. Il y a des gens qui soignent ce style-là, et puis, ouais. Et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus négligents, quoi. Puis voilà. Gérard Mouroux, Jean-Paul aimerait savoir quelles sont les applications pratiques de vos recherches. Alors là, il y a plein de choses à dire. Ah oui, alors là, on peut commencer. J'espère qu'on a la journée devant nous. Hein. Presque. Moins quelques minutes. Mais c'est comme vous, le temps n'est pas extensif. On va essayer de comprimer. C'est ça, hein. On va essayer de comprimer. Exactement. Oui. Ouais. On va essayer de comprimer. Alors, les principales applications, les plus importantes, bon, alors, en tout cas. Ce que j'aime faire, c'est d'aller en crescendo, en intensité. Alors, allons-y, on vous suit. Alors, parce que, bon, on peut faire le CPA, justement, pour produire des impulsions qui ont relativement peu d'énergie, très comprimées, c'est ça qui est important. Mmh. Et donc, elles créent des impacts vraiment extrêmement précis. L'interaction est absolument précise. C'est extraordinaire, il n'y a pas d'effets collatéraux. Mmh. Et ça, c'est vrai pour que ça soit un métal ou des tissus biologiques. Donc c'est la précision de la cible, finalement, hein, voilà, qui est extrême. Absolument, oui. Parce que les impulsions sont très très courtes, qu'il n'y a que ce qui est touché par le laser qui va s'évaporer. Mmh. Hein? Donc il n'y a pas de dommages collatéraux. Okay? Et donc ça fait des... Et bon, je raconte, je ne sais pas si j'ai le temps de le faire ici, mais je raconte toujours que, en fait, l'application médicale du laser qu'on a inventé, elle est arrivée par accident. Oui. Mais racontez-nous l'histoire parce qu'elle est extraordinaire. Là encore, c'était un étudiant qui était absolument, dans l'histoire. Et c'est super parce qu'il est venu à Stockholm lorsque j'ai reçu mon. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et donc. Mais racontez-nous comment ça s'est passé. Alors, donc. Donc le laser était complètement nouveau, bien sûr. Et il alignait le laser. Ok, c'est un étudiant. Il alignait le laser, puis c'est son boulot. On est en quelle année là, à peu près? Ça, c'est exactement 90. D'accord. Il aligne le laser, et puis il il n'avait pas mis ses lunettes comme il faut. Hein. C'est parce qu'on a quand même des lunettes pour se protéger. Il faut dire aussi qu'avec les lunettes, on ne pouvait plus rien. Une fois qu'on a les lunettes sur le nœud, maintenant les lunettes sont bien meilleures, mais à l'époque, c'était comme ça. Et donc votre étudiant se prend un coup de laser dans l'œil. Voilà. Et alors, on l'amène à l'hôpital. Et donc, l'ophtalmo, qui le regarde, il lui dit, bon, dis donc, waouh, effectivement, vous avez reçu un coup de laser dans l'œil. Votre rétine a un impact. Mais quel type de laser c'est? Et l'étudiant, il dit, mais pourquoi vous me posez cette question? Eh bien, je vous pose la question parce que votre dommage est parfait. Et c'était parfaitement circulaire, tout petit, parfaitement circulaire. Alors là, tout de suite, on a compris que là, on avait quelque chose. Incroyable. Voilà. Et donc, j'étais à l'Université de Michigan à l'époque, et on a eu une grande réunion avec le président qui avait organisé la réunion, avec tous les doyens, etc. Et puis, il a mis 500 kilos, dollars, 500 000 dollars sur la table. Ouais, direct. Pour qu'on puisse, ça coûtait plus que ça, hein, ouais. Mais pour qu'on puisse commencer les travaux. Voilà. Donc, et maintenant, bien sûr, ce type de système, il y en a de partout, parce qu'il y a à peu près plusieurs millions de patients qui se font soigner avec le laser femtoseconde. Ouais, donc ma grand-mère qui s'est fait soigner sa cataracte, par exemple, c'est grâce à votre laser? Ah ben ça, je peux pas dire. Parce qu'il y a quand même la méthode un peu ancienne, c'est avec les ultrasons, etc., qui marche très bien. Hein. Ouais. On va écouter d'ailleurs une archive sonore, tiens. Oui, oui. 1960, là aussi, dans un service parisien d'ophtalmologie. Écoutez, ça vaut le détour. Oui, oui. Les ophtalmologistes ne disposent-ils pas depuis peu d'un nouvel instrument qui projetterait un faisceau lumineux intense à travers la pupille? Et alors le cristallin, cette lentille naturelle de l'œil, concentrerait ce faisceau sur la rétine et produirait, en une ou deux secondes, une sorte de point de soudure indolore sur la fissure. C'est cela. Il s'agit de la photocoagulation découverte en Allemagne par Mayer-Schwickerath. Ce coagulateur est extrêmement puissant puisqu'il envoie dans l'œil une énergie lumineuse infiniment supérieure à celle du soleil. Il s'agit naturellement de rayons sélectionnés appartenant à une bande de longueur d'onde déterminée, d'où les rayons nocifs comme les infrarouges ou les ultraviolets sont exclus. Ainsi, il ne se produit aucune brûlure, aucune irritation de l'œil, et ce procédé permettra d'une part de prévenir certains décollements de la rétine, d'autre part de récupérer des yeux atteints de maladies diverses, comme on en voit dans les affections vasculaires ou inflammatoires. Mais ça n'est pas à proprement parler contre le décollement de la rétine constituée que la photocoagulation peut avoir une efficacité. Gérard Mourou, 1960. Oui, tout à fait. Donc ça veut dire qu'on utilisait déjà ces principes-là. On utilisait des lasers, mais avec des impulsions très longues. Ouais. Et c'était pour des applications médicales différentes. Ouais. Hein. La femtoseconde, il y a ce côté excessivement précis qu'il n'y avait pas avant. Et c'est pour ça que bon, c'est utilisé pour aussi les. Il y a beaucoup d'applications. Ouais. Hein. Est-ce qu'on peut les utiliser par exemple pour les tumeurs cancéreuses pour bien cibler justement ou pas? Ou est-ce que c'est chaque fois qu'il faut être très très précis, par exemple, si on veut, par exemple, former la. Dans l'application de la réfraction, la cornée. Hein, si on veut changer la forme de la cornée, si on veut changer, si par exemple on veut, si vous êtes, vous voyez loin ou près, etc. Vous avez différentes manières. On peut reformer la cornée avec le laser. Avec le laser. En sculptant. Voilà. Hein, de façon ultra c'est un peu précise. Compliqué parce qu'il faut aller à l'intérieur du stroma, ce qu'on appelle, et puis commencer à enlever de la matière ou voilà. Donc et ça se fait avec précision. Ouais. Et c'est vraiment ça marche très bien. On avait un auditeur David qui nous demandait quels hôpitaux utilisaient ce type de laser en France, mais il y en a dans le monde entier. Il y en a beaucoup, il y en a énormément. Alors évidemment dans le domaine médical, ça on comprend bien les applications. Et alors visiblement il y a beaucoup d'auditeurs qui ont entendu parler aussi de possibles travaux sur les déchets nucléaires. Vous êtes exprimé sur la question, ça c'est vraiment un pan de recherche qui vous motive aussi beaucoup. Alors, en ce moment. Alors là maintenant on change de gamme d'énergie, hein. On passe de l'œil à... Là on parle de matière de, biologique. Et les énergies qui sont impliquées pour le traitement de l'œil, nous c'est de l'ordre du millijoule. Hein. Mm-hmm. Alors qu'après, ça va être, on monte en énergie... jusqu'au kilojoule, mais ce sont des puissances absolument considérables. Les puissances à propos dont on parle, ce sont des puissances et dont on va parler là justement pour les déchets nucléaires, qui sont absolument phénoménaux. Alors Patrice nous dit, annonçant la possibilité de réduire la durée de vie des déchets nucléaires à 30 minutes au lieu d'un million d'années, Gérard Mourou ouvre une perspective extraordinaire. N'est-ce pas le moment opportun pour remettre en cause les projets d'enfouissement de déchets nucléaires moralement et scientifiquement inacceptables, dit-il. Alors, il faut être excessivement prudent. Terrain miné, hein. Ouais, absolument. Ouais. Et je ne veux pas tomber dans la mine. Ouais. Bon, alors d'abord, sur l'application en elle-même, est-ce qu'on pourrait effectivement réduire la durée de vie absolument. Des déchets? Absolument. Non, ça c'est vrai. Alors, les déchets, bon, actuellement, ce qui a été démontré, bien sûr, mais ça, on le savait, ce n'est pas une nouvelle. Hein. Mm-hmm. C'est qu'on peut vraiment... effectivement changer la radiotoxicité en diminuant la durée. Okay, mais c'est incroyable, maintenant, d'un million d'années à 30 minutes. Oui, absolument. Mais ça c'est basé sur le principe suivant, vous allez me comprendre, c'est qu'avec justement ces lasers ultra puissants, on peut produire des particules. Et on peut produire des protons, on peut produire des neutrons. Hein, et donc, avec ces neutrons, on fait ce qui... qu'on peut faire maintenant, hein, mais avec des machines qui sont beaucoup plus compliquées, mm-hmm. et beaucoup plus chères peut-être, c'est là où il va y avoir un problème commercial. Hein. On peut donc irradier le matériau et changer le noyau. On met un proton de plus ou ouais. quelque chose sur le noyau et ça change complètement la durée. Sur sa durée de vie. L'isomère, ouais. ça change complètement la durée ouais. de vie. Ça paraît tellement simple quand ça vous le dites. Hein. Alors, c'est quoi le problème finalement ? C'est oui, de l'argent ? Non, non, le problème, c'est de faire quelque chose, bien sûr, qui soit... parce que ce qui a été fait jusqu'à présent, l'efficacité n'est pas très bonne. Ça coûte encore trop cher, etc. etc. Mm-hmm. Voilà. Et puis, quand on parle de déchets nucléaires, c'est quand même un magma d'éléments et quand on irradie ces déchets, on peut créer on peut faire l'inverse de ce qu'on veut faire. Mmh. Donc, je suis extrêmement prudent. Alors, il y a effectivement un peu c'est un sujet qui me fascine. Ça veut pas dire que c'est un sujet qui est facile. Oui. Hein? Non, mais bien sûr, mais absolument. Il y a des promesses. Et c'est pas parce que je suis prix Nobel qu'il faut absolument me croire à 100%. Mmh. Donc, il y a un travail énorme à faire et c'est un travail que je veux passer le reste de ma. Peut-être. J'aimerais passer une large fraction de mon temps ouais. qui me reste à peut-être essayer de trouver une solution basée sur cette façon-là. Parce ouais. qu'effectivement, c'est un gros problème que nous avons. François nous dit, parlez-nous de la possibilité des lasers pour la fusion nucléaire. C'est la même chose ou c'est encore autre chose? Non, c'est pas du tout la même chose. Ce type de laser, alors toujours pareil. Hein, moi, ce sont des lasers à impulsion excessivement brève et d'une très grande puissance. Ouais. Hein. On parle de la puissance, par exemple, la puissance crête que l'on peut produire, mm-hmm. c'est à peu près 1 million de fois la puissance d'une centrale nucléaire. Ouais. Hein. C'est-à-dire que c'est 1000 fois la puissance qui est produite par toutes les centrales nucléaires, mm-hmm. les centrales en général, sur la Terre, voilà, ouais. actuellement. Mais on le fait en quelques femtosecondes. Hein. Ouais. Et alors, quand voilà. vous dites ramener 1 million d'années de durée de vie à 30 minutes, par exemple, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas passer à rien, c'est-à-dire détruire totalement la matière radioactive? Après 30 minutes, le matériau n'a plus de radiotoxicité. Ouais. Donc il va vivre 30 minutes et après c'est fini. Finalement, ouais. c'est fini. C'est pour montrer une échelle... Donc ça, vous allez consacrer les années qui viennent à cette application. C'est quelque chose qui me passionne, oui, effectivement. Ouais. Oui. Est-ce que c'est ce que vous étudiez avec Ellie, justement? C'est une des applications. Enfin, ça, c'est effectivement avec Eli. Eli. Oui. Extreme Light Infrastructure. Infrastructure, voilà. Ouais. Il y a énormément d'applications. C'est donc un système de laser qui a été créé. Justement pour un système de laser ultra puissant, hein, pour justement affronter les questions comme ça fondamentales, un peu comme le CERN oui. construit des grands accélérateurs, mais ici nous avons construit des grands lasers pour certaines applications, bien sûr. Donc il faut trouver encore des étudiants. Hein, et puis des étudiants qui vont par le hasard aussi peut-être vous embarquer. Oui, mais il faut pas trop compter là-dessus. Ouais. Hein, je veux dire, c'est vrai que si on compte sur le hasard, c'est plus compliqué. Le hasard arrive sans qu'on compte dessus. Absolument. Justement, par définition. Il faut se préparer, ouais. etc. Ouais. Philippe demande s'il existe à l'heure actuelle un laser assez puissant pour être utilisé comme une arme, et en particulier capable de détruire un missile en vol. Oui, mais c'est pas ce type de laser que j'étudie. Certainement, les militaires, eux, ils ont leur truc. Ils étudient le laser pour faire ce genre de travail. Mmh. Moi, c'est l'inverse, en fait. C'est un laser qui est extrêmement puissant, mais il est extrêmement pacifique. Ouais. Parce que on joue sur la puissance, elle vient par la durée de l'impulsion et pas par l'énergie. Mmh. Alors que les militaires ont besoin d'énergie. Quand vous voulez détruire un missile, il faut beaucoup d'énergie. Tandis que nous, on en a pas du tout, mais ce qu'il y a, c'est que le peu d'énergie qu'on a, on le délivre en un temps extrêmement bref, et c'est ce qui nous donne des puissances considérables. expression là, le laser pacifiste de Gérard Mourou. C'est le laser pacifique, absolument. Voilà, on va retenir ça. Est-ce que les mois, années qui viennent aussi là, en tant que Nobel, vous allez les utiliser pour aller voir les plus jeunes, pour essayer justement de leur raconter ce qu'est la physique, absolument, pour lutter contre les malentendus? Absolument, hein, ouais, absolument. Par exemple, je fais pas mal de... J'ai commencé, hein, mmh, j'ai commencé dans, ouais, j'imagine, de faire la tournée, mmh, des lycées, etc. Ouais. Et les étudiants vraiment adorent entendre ça, et je leur délivre le message que la physique, c'est pas triste, la physique, c'est vraiment c'est quelque chose de fantastique, voilà, absolument. Même vous, Mathieu, vous devrez faire de la physique. Mais j'en fais grâce à vous, figurez-vous. Voilà, c'est pour ça que je vous invite au micro. Ah, mais c'est super. Merci beaucoup, Gérard Mourou, prix Nobel de physique 2018, d'être venu aujourd'hui dans La Tête au Carré. Et vous avez peut-être lutté aussi contre les fake news. On en parle tout de suite avec notre médecin du Pagne. Voilà. France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne. Attention, je vais piquer. Bonjour Dominique. Bonjour Mathieu. Polémique qui concerne donc les fake news aujourd'hui. Eh oui Mathieu, je vais joindre ma voix au concert de critiques concernant la diffusion de fausses informations qui abusent le public, les fake news en anglais. Alors la responsabilité des réseaux sociaux est pointée du doigt par les journalistes, mais dans le domaine de la santé, c'est loin d'être aussi simple. Mmh. En fait, j'ai découvert les fake news il y a 40 ans. Allons bon. Bah oui, avant mes études de médecine, je croyais naïvement que tout ce que je disais dans les journaux, bah c'était publié, donc c'était fiable, c'était vrai. Et puis j'ai progressé dans la connaissance de mon domaine, la médecine, et le doute s'est installé. Et j'ai découvert, éberlué, la quantité d'âneries parfois dangereuses diffusées par des médias auxquels j'avais toujours fait confiance. Alors quoi par exemple Dominique? Bon, on est au milieu des années 80, hein. Eh bien, on pouvait lire partout que l'huile d'olive était mauvaise pour le cœur, que le bronzage aux UVA était sans danger pour la peau, qu'il fallait prendre du fluor pour éviter les fractures, ou encore du phosphore pour devenir intelligent. Vraiment? Oui, oui, c'était comme ça. Et je n'invente rien. Ouais. Et c'est pas beaucoup mieux maintenant, vous savez, parce que entre les stats à la con quotidiennes, les pseudo-dangers des sondes d'échographie, ou l'épidémie d'hépatite de la mort qui menacerait des millions de Français, je renvoie les auditeurs à mes chroniques précédentes. Et donc, j'ai été révolté par toute cette désinformation. Du coup, je me suis essayé au journalisme, milieu difficile à pénétrer, et puis Internet est arrivé. Et les réseaux sociaux donc. Ouais, le web 2.0, au début des années 2000, qui a permis à tout le monde de jouer au journaliste en créant son blog et en effet d'échanger sur les réseaux sociaux. J'ai vécu ça comme une fantastique aventure, une libération de l'information. Je m'y suis plongé totalement depuis 20 ans pour tenter d'apporter au public, dans mon domaine, des informations fiables et documentées. En matière de santé, les fake news relèvent soit de l'incompétence scientifique, soit et surtout du lobbying masqué qui corrompt l'information à un point inimaginable. Le public a ouvert les yeux avec l'affaire du Mediator, puis celle de la grippe H1N1 et d'autres. Et il y a aussi les illuminés, les complotistes qui profitent d'Internet, évidemment, pour répondre de fausses nouvelles ou des théories fumeuses. Hein. Bah oui, bien sûr, mais ça, c'est le pendant de la liberté d'expression, le pire système à l'exclusion de tous les autres, comme disait l'autre. Il ne peut pas, il ne doit pas y avoir de police de l'information ou de la pensée, ça s'appelle de la censure. La solution contre les fake news passe par un retour de la confiance du public dans les journalistes, ce qui nécessite de faire le ménage dans ses propres rangs avant de partir à la chasse aux fake news. Et il y a du boulot. L'argument d'autorité, ça c'est fini, hein, et la confiance retrouvée du lecteur ou de l'auditeur se nourrira du travail, de la rigueur, de la sincérité et de l'indépendance des journalistes, car c'est justement leur boulot, notre boulot, de permettre au public de faire le tri dans l'avalanche d'informations qui se déversent sur lui. Lutter contre les fake news, c'est avant tout veiller à ne diffuser soi-même que des true news. Oui, et bien on va vous surveiller de très près, Dominique Dupagne. Eh bien, je compte sur vous. Merci beaucoup, chroniqueur. Écoutez évidemment sur franceinter.fr et on se retrouve mardi prochain.